Abai ali a tentar passar, passou em velocidade Abai, o turco tentava passar sobre o central, a bola foi despachada para trás, vai chegar até o guarda-redes da equipa do Nacional, que é o Lucas França. Numa altura em que... Arc-en-ciel, 96.2. La FM en couleur. La Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, Angers, la Réunion, Nouvelle-Calédonie, l'île Maurice, Miami, Canada, Paris, Angers, c'est ma déchirée. Let's go! Et ça qui pensait l'aime tomber, m'a pas jamais levé. Oh, et yo content, depuis ma mal passé. Arc-en-ciel 96.2, votre émission Groove Tropical. Ravie de vous retrouver entre 18h et 20h avec le meilleur de la musique de la Caraïbe, qui nous vient de la Caraïbe. Grande soirée ce soir, un spécial Noël, avec les meilleurs tubes chantés, et puis plein de bonnes choses, mais on serait des petites nouveautés, et puis des séquences souvenirs sur le 96.2. Merci de votre fidélité à votre radio d'Orléans, votre radio du Val-de-Loire. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée en ma compagnie. cochon à papa. Arc-en-ciel, groupe tropical, vous souhaite un joyeux Noël. Arc-en-ciel, c'est du soleil. Soleil, plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Thank you. Envoie du son. La tradition aux Antilles, Noël aux Antilles, sur le 96.2 dans votre émission Groupe Tropical, c'est qu'on se souvenir. En tout cas, je vous souhaite à tous un très très joyeux Noël. On va poursuivre tout de suite avec une nouveauté. L'album est sorti il y a tout juste une semaine. C'est l'album c'est le DVD hein, du groupe Kassab lors de leur concert hommage le 18 mai dernier. Je vous propose d'écouter cet extrait. Kiss à l'aimé. 18h-20h, c'est Chantal qui vous accompagne. C'est votre émission Groupe Tropical. Fais la vie moi, mon foisé. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. Vous avez envie de fêter le nouvel an dans une ambiance tropicale ? Rendez-vous à Ormes, salle Rabelais, le mardi 31 décembre 2024, avec Tipiment pour un grand réveillon créole. Ambiance musicale assurée tout au bout de la nuit avec un plateau d'artistes. Les chanteurs martiniquais, Jean-Luc Alger et José Versol. Et la talenteuse Béatrice Poulot, choriste de Cassav. Formule repas, 75 euros et réservation obligatoire au 07 54 54 09 88. Il y a des jours où tu me disais que j'étais pas l'homme parfait, je le conçois complètement. Tu as trop de choses à me reprocher, la liste est vraiment trop longue, je pourrais pas tout dévoiler. Hey, baby, s'il vous plaît, fais-moi plaisir. Arrête d'écouter les ennemis. Y'a toujours la poupée salie, ça c'est comédie. J'en ai marre de tout ça. Groupe Tropical à 18h-20h, joyeux Noël à tous. Toutes en mille rassemblées, toutes mon mailles capées. Arc-en-ciel 96.2. La FM en couleur. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. Arc-en-ciel 96.2 de votre émission Gros Tropical à 18h ou 20h. C'est Chantal qui vous accompagne. Joyeux Noël à tous. Say the most difficult is to live and die alone. Oh, Sucre, tout miel, elle est comme ça la musique, comme ça la musique, sur Arc-en-Ciel. Vous avez envie de fêter le nouvel an dans une ambiance tropicale? Rendez-vous à Orme, salle Rabelais, le mardi 31 décembre 2024 avec Tipiment pour un grand réveillon créole. Ambiance musicale assurée tout au bout de la nuit avec un plateau d'artistes. Les chanteurs martiniquais Jean-Luc Abgé et José Versol et la talenteuse Béatrice Poulot, choriste de Cassave. Formule repas, 75 euros et réservation obligatoire au 07 54 54 09 88. Sou pati ni tout sa Ou pe pa fete Noël Le ou ka fete Noël Ou son fils se bon produit local Ou pa bisouen champagne La mousse tout sa se boujou Dans mon bazin Si yon pati bois Boudin et bignan cochon Ou flan, chococo Si go gote se sa ki Noël Ale mon bazin, ale Faites-nous ensemble pour fêter Noël. Où t'en moins dire? Arc-en-ciel 96.2. La FM en couleur. Bonjour, comment ça va? Ou réponds-moi tête tout en bas. Parce qu'on va appeler mon roi Sala. Tout ça me dit où y'a t'en est ou déjà. Ou pas prendre mon sérieux. Moi t'en connais pas client qui vient acheter. Ou Jacob Yvette. Capagnon. Moi semble mentir, en voyant je m'aime plus gros, plus gras. Mais si tu danses plusieurs fois, gagner sans plan, c'est chaque jour ma perte du temps. Celle ça m'est calé. t'aime à la folie, extrait du tout dernier album de Zangla. Je vous ai dit que j'aimais beaucoup cet album. Il est tout nouveau, il est tout chaud. Oui, oui, je sais, je sais. J'en ai déjà passé quelques extraits. En tout cas, moi, j'adore ce groupe. Bien d'autres aussi, mais lui particulièrement depuis de très, très nombreuses années. Zangla qui sera sur la capitale d'ailleurs début février. Groupe tropical jusqu'à 20h. C'est Chantal qui vous accompagne. Tiens, un petit truc qui fait le tour de la Terre en ce moment. J'ai eu l'occasion de l'entendre sur une radio nationale. J'étais étonnée d'ailleurs. Ils nous l'ont piqué. C'est pas des campés, nana. Oh là là, j'ai une extension. Ça me donne au crétin, y'a pas de magie. Ou bien on prend tout comme ça, y'a pas de gâchis. Pas de semblant, full baby dans 4 matiques. Elle habite solo et ça c'est fantastique, ça c'est méchant. Y'a les baby, c'est large et c'est crazy. J'ai ton épaule, dis-moi, tell me. Si je t'épouse, c'est money, pay me. Yo, Judah, précis comme le sable d'un Yakuza. Si tu marches, oui, babe, c'est tout droit. Ta carte est plug, disons alléluia. Da, da, da. Yo, Judah, précis comme le sable d'un Yakuza. Si tu marches, oui, babe, c'est tout droit. Ta carte est plug, disons alléluia. Da, da, da. Baby, j'ai le talvini. Vini, pas de me. Drive en Lamborghini. J'ai une sousa. Campé dans la dame. Ramène les familles. Full BBL, baby. Ramène les familles. J'ai une sousa. Campé dans la dame. J'étais bon chanter. Le cabis a plus les compter. Je vous remercie de parce qu'on a la santé. Je monte pas, baby, sinon y'aura trop de débat. Allez, depuis le vent de rose, il n'y a trop tard. Elle m'a dit je t'aime, mais c'est trop bas. Cette bitch m'a dit je t'aime, mais c'est trop bas. Mais c'est trop bas. Yo, Judah, précis comme le sable d'un Yakuza. Si tu marches with me, babe, c'est tout droit. La carte est blague, disons alléluia. Yo, Judah, précis comme le sable d'un Yakuza. Si tu marches with me, babe, c'est tout droit. La carte est blague, disons alléluia. Baby, je le termine. Vini, vini, pas de me. Rêve en Lamborghini. J'ai une sousa. Campé dans la dame. Ramène les familles. Full BBL, baby. Ramène les familles. J'ai une sousa. Campé dans la dame. Baby, je le termine. Vini, vini, pas de me. Rêve en Lamborghini. J'ai une sousa. Campé dans la dame. Ramène les familles. Full BBL, baby. Ramène les familles. J'ai une sousa. Campé dans la dame. Oh, C'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les yeux, plein les oreilles. Pour tout papa et pour toute maman. Président et général,

Radio Arc-en-Ciel, votre émission Groove Tropical. Grande pensée à Paulo Albin, notre regretté Paulo Albin qui est parti il y a quelques jours, je crois une quinzaine de jours, qui a interprété cette chanson. Beaucoup de souvenirs en tout cas pour les fanatiques. 96.2, votre émission Groove Tropical jusqu'à 20h, c'est Chantal qui vous accompagne. Joyeux Noël à tous. Pour pas qu'à celle que c'est ou qu'à plus salé, bonne goûté. Pour pas qu'à si poussé ou qu'à plus sucré, non, non, bonne goûté. Pour pas qu'à glace poussé ou qu'à plus glacé, pas qu'à divé poussé ou qu'à plus moulé. Pour pas qu'à piment poussé ou qu'à plus piqué, bonne goûté. Baby, son c'est dommage. Chat nan ma kout nan So baby pa bon ti vice pou ja kout nan E bab jom pran la valas pou ma kout nan Ma bote tèt la apre sa pou ban tout nan Pose sou sweet talk la Vin te jip sou pick up la Vin bom gouyad la jom tapay li sou tiktok la Si kasel semble tout de blanc tout de fin Bon mwen sil sa le sikre pou de bom tout je fè Yao, di m gazon an bi rade Ou di m lambi a bi rade Vous avez envie de fêter le nouvel an dans une ambiance tropicale? Rendez-vous à Ormes, salle Rabelais, le mardi 31 décembre 2024 avec Tipiment pour un grand réveillon créole. Ambiance musicale assurée tout au bout de la nuit avec un plateau d'artistes.

Arc-en-ciel, groupe tropical, joyeux Noël à tous. C'était Grit. Un album qui date d'il y a 20 ans. Et un spécial dédicace aux personnes qui tombent de leur lit à cette heure-ci. Tu es mon regard, mademoiselle Marionnelle. Allez, je t'embrasse. Passe de bonnes fêtes de fin d'année. Je crois qu'il y a quelque chose d'important pour toi là. Allez, on continue comme ça, toujours dans la même ambiance, la même chaleur. Je sais pas, il doit faire au moins 40 dans les studios là, c'est un truc de fou. Groupe Tropical, 18h-20h, c'est Chantal qui vous accompagne. Arc-en-ciel 96.2. La FM en couleur. Jamais, jamais, jamais. Oh, j'ai lancé dans

Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. Yeah, buddy. Arc-en-ciel, votre émission groupe tropical jusqu'à 20h et il est presque 20h. Hein, sur les tout en couleur. Il est l'heure pour moi de vous quitter. Ne vous inquiétez pas, je vous retrouve très très très bientôt. L'année prochaine sans doute. En tout cas sur le 96.2, je vous souhaite à tous de très très bonnes fêtes de fin d'année. Un très très bon Noël et puis je vous retrouve bientôt. Puis n'oubliez pas quand même le réveillon du 31 avec José Versol d'ailleurs qui nous accompagne pour terminer cette émission avec Monogis. Arc-en-ciel 96.2. La FM en couleur. Estamos satisfeitos com aquilo que nós vamos fazer daqui a momento. Isso é que é o mais importante. Por isso hoje a equipa esteve muito bem com uma exibição em personalidade. Criámos várias oportunidades de gol. Fechámos com 2 gols, são 3 pontos para as nossas contas. Era por aí também que ia a minha próxima pergunta, Bruno, porque falou ontem desse crescimento que é necessário. Hoje o Benfica com bola, o Bruno falou desse momento em específico, já foi mais o Benfica que o Bruno quer ver? É aproximar, cada momento, cada treino e cada jogo é isto. E nós analisámos muito aquilo que aconteceu o jogo passado, perceber quais...